Innocent Wiboniman est à la mise en onde. Excusez-nous pour les deux minutes de retard. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord les grands titres. Début ce lundi du relancement de la campagne de dépistage massif au Covid-19 dans le programme du gouvernement d'Akira Sinandouza Sinandoura. Des cas positifs sont rapportés en Ngodi et à Karusi, vous l'entendrez. Au sommaire également, ces habitants usagers de la route entre les quartiers 2 et 3 de la zone urbaine de Nyakabiga, nouvellement réhabilitée. Vous aurez plus de détails. Et dans la chronique sportive, aujourd'hui, on va vous parler de l'organisation des compétitions de handball à mairie de Bujumbura. Voilà pour l'essentiel. Rebonjour. Quatre personnes testées positives à la COVID-19 ont été repérées sur la colline Kiyang et Zone Gakere de la commune Kiremba, province Ngozi. Le médecin provincial ne nie pas ces informations. Docteur Jean Bosco Nyonzima fait savoir que ces personnes sont sous surveillance médicale. Sans donner plus de détails, il promet de s'exprimer cet après-midi pour plus de précisions. À Bouhiga. De la province Karusi, l'on compte 12 cas positifs au COVID-19 selon les responsables sanitaires à Karusi qui se sont entretenus avec notre correspondant depuis cette province. Nous attendons plus de détails dans nos prochaines éditions. La frontière burundo-tanzanienne est désormais fermée depuis ce lundi côté Kobero dans la province de Muyinga. Dans le but d'éviter la propagation du COVID-19, confirme le gouverneur de cette province. Jean-Claude Barutkwanayo demande à tous ceux qui prêtent à cette frontière de veiller à ce que cette mesure ne soit violée. Cette autorité provinciale interpelle également la population de cette province qui partage les marchés avec leurs voisins tanzaniens au strict respect des mesures barrières contre la COVID-19. Suivez plutôt le gouverneur de la province, Muyinga, joint au téléphone par Evariste Ndikobanyanga. Au niveau de notre province, la mesure a été très bien accueillie du fait que la frontière de Kobero, c'est là où passe une grande majorité des personnes qui entrent au Burundi en provenance de la Tanzanie et d'autres pays voisins. Et jusqu'à maintenant, nous avons déjà commencé à mettre en application cette mesure. Il n'y a pas de personnes qui entrent, mais aussi ceux qui viennent par hasard, nous les faisons retourner pour qu'ils retournent chez eux en Tanzanie ou dans un autre pays d'où ils viennent. Nous avons bien sûr un petit problème du fait que la province de Muyinga a des communes ayant des frontières avec la Tanzanie, surtout au niveau de la commune Giterani, au niveau de la commune Muyinga, commune Butihinda. Il n'y a pas de frontières maritimes, il y a beaucoup de contacts avec les gens qui cohabitent, c'est tous ceux du côté Tanzanie et du côté Burundi. Il y a même certains centres de négoce où à un certain moment, les gens de la Tanzanie sont rencontrés avec ceux du Burundi, c'est surtout au niveau de la commune Giterani. Mais et là aussi, nous devons y travailler beaucoup, surtout à continuer d'instruire la population de ces endroits et de tenir compte des mesures qui ont été prises par le gouvernement, et entre autres, et se laver et plusieurs fois les mains, ne pas se saluer, ne pas se toucher au niveau des mains, garder les mesures de distanciation sociale, même si peut-être y arriver quelqu'un qui proviendrait de la Tanzanie, et parce qu'il habite tout juste à côté de Burundi au niveau de Butierani. Là aussi, la première chose, c'est d'abord la prévention, c'est-à-dire la mise en application de ces mesures. Et puis nous devons évidemment inviter la population à nous aider, surtout à regarder surtout ce qui pourrait passer par d'autres frontières et qui ne passent pas par les lieux qui sont connus. Et étant donné que nous ne pouvons pas avoir des policiers, des militaires qui doivent garder toutes les entrées, il revient à la population aussi à pouvoir comprendre cette mesure et nous aider à barricader ce qui pourrait entrer et amener au Covid à l'intérieur du pays. C'était le gouverneur de la province Muyinga. Parlons transport à présent. L'association des transporteurs du Burundi à Trabo annonce la mise en place de poubelles publiques de petite dimension dans les bus de transport en commun. Charles Nhilamé, secrétaire général et porte-parole de la Trabo, appelle les chauffeurs à faire la propreté des vêtements et dans leur voiture ainsi que leurs convoyeurs. Suivez-le, ces propos ont été recueillis par Jean-Marie Mayonga. L'association Atrabou va initier les convois et les échauffeurs pour que chaque bus doit y contenir une poubelle afin que les passagers puissent jeter des papiers, des bouteilles en plastique et dans le but de protéger ensemble avec d'autres citoyens notre environnement, surtout notre lac. Et donc cette activité va démarrer avec le mois de janvier et plus précisément à mi-janvier. Et parce qu'il y a des préparatifs, l'association Atrabou va tenir d'abord une réunion de représentants des parkings afin qu'on puisse démarrer cette activité mi-janvier. Et pour ce qui concerne le comportement de certains convoyés qui ne portent pas de bons habits ou bien qui manifestent des comportements indignes vis-à-vis des passagers, et là aussi on va donner des injonctions comme quoi chaque convoyé doit porter des vêtements convenables parce qu'il y a certains passagers qui se sont indignés comme quoi certains convoyés les indisposent dans leur habillement. Et la Trabo alors on va essayer via les comités mixtes de sécurité, les chefs de parking et de donner des injonctions aux convoyés pour que chaque convoyé doit porter des habits propres. On transporte toujours les conducteurs de taxi vélo dans la ville de Lumonge. Observe un mouvement de grève depuis le matin de ce lundi. Il s'insurge contre le paiement d'une somme de 5 000 francs burundais par personne comme contribution à la construction du bureau provincial de Lumonge. Une somme qu'il juge exorbitante et le gouverneur de la province Lumonge promet de les rencontrer au plus tard ce mardi matin pour clarifier cette situation. Plus de détails avec notre correspondant depuis Lumonge, Jean-Pierre Misako. Aux différents parkings de taxi-vélo dans la ville de Lumonge, les conducteurs de ces engins de transport des personnes et des biens étaient absents ce lundi matin. Ceux qui se sont exprimés disent avoir préféré garder leur vélo chez eux de peur qu'ils soient saisis. C'est en effet ce lundi, selon eux, que cette saisie allait commencer pour tout taxi-vélo dont le conducteur n'aurait pas sur lui une quittance de 5 000 francs burundais de contribution individuelle pour la construction du bureau provincial de Lumonge. Pour eux, cette somme ne tient pas compte de leur métier, générant une entrée de 200 francs burundais par course réalisée dans la ville de Lumonge, une somme exigée après le paiement de 2 000 francs burundais par conducteur communiqué par la voie des ondes comme une somme exigée à toute personne âgée de 18 ans et plus, native ou opérant sur le territoire de la province de Lumonge. Ces conducteurs de taxi-vélo ont confié à la radio Isanganiro qu'ils voudraient de la lumière dans la fixation de cette contribution. Du côté des usagers de ces moyens de transport, l'entente devrait être rapide pour éviter d'énormes dépenses. Contacté à ce sujet, le président de l'association Sotavebu regroupant ses conducteurs de taxi-vélo à Lumonge renvoie la question à l'autorité provinciale. Consolateur Nitunga, gouverneur de Lumonge, dit que c'est une somme convenue. Il indique que ceux qui ont déjà payé les 2 000 francs burundais devraient ajouter les 3 000 restants et cela en tranche. Entre-temps, le gouverneur de Lumonge appelle à la reprise des activités en attendant une réunion de rappel de la convention prévue ce mardi matin. Jean-Pierre Misago depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Début ce lundi en province Ngozi, des activités de passation de permis de conduire. Le test écrit aura lieu ce mardi car la première journée est réservée à la formation des candidats. Sur plus de 500 inscrits, 142 sont des conducteurs de taxi-moto qui n'avaient pas de permis comme l'indique Jérémy Chimilimana, directeur du guichet unique provincial. Depuis l'ouverture de ce guichet en 2018, 560 permis de conduire ont été donnés. Après une courte pause, parlons infrastructure. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h08 dans les cieux de la radio Isanganiro, vous pouvez capter cet essentiel via le www.isanganiro.org. Les usagers de la route qui sépare les quartiers Nyakabiga 2 et 3 se réjouissent des travaux de bouchage et des nids de poules qui menaçaient cette infrastructure publique. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters ce lundi trouvent que la réhabilitation de cette route a contribué dans la prévention des accidents de roulage. Jean de Dieu, il a coûté. ubrema birapfuma birapfuma naho nyene tubona ko bakoresheje nyene isima nibaza ko kw'abantu bazogacamwo gatoro. Cette route réparée au niveau de Nid de Poule sépare les quartiers Nyakabiga 2 et 3. Certains usagers de cette route qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro disent qu'ils ont bien accueilli ces travaux, notamment en ce qui concerne la prévention des accidents de roulage. Nous avons bien accueilli les travaux qui consistent à boucher les trous parce que il y avait quelquefois des accidents de vélo et de véhicules. Quand un véhicule vient, alors quand un autre vient passer, on attend. Et s'il y a des véhicules qui se rencontrent, on est obligé d'attendre pour que l'autre passe, alors il y a perte de temps. Alors nous avons accueilli avec satisfaction les travaux. Peut-être qu'il fallait démolir la route pour faire une route très neuve, mais les moyens sont comme ça, c'est bien. Peut-être qu'on va faire mieux après. D'autres expliquent que leurs outils de déplacement, comme les véhicules, ne s'endommagent plus. Quand nous y passons, par exemple, la nuit, tu peux aller lentement ou à vive allure, fait que les nids de poules sont bouchés. Maintenant, ça va que l'on a bouché ces nids de poules avec du ciment. Cependant, les routes à réhabiliter sont nombreuses car nos patrons se querellent contre nous que leurs outils de déplacement s'usent rapidement alors que c'est ces nids de poules qui causent l'amortissement. Des travaux pareils sont en cours sur l'avenue de l'imprimerie dans cette même zone, Nyakabiga. Merci Jean de Dieu, il a causé toutefois les routes goudronnées passant en zone Gihosha de la commune Nahangwa, mairie de Bujumbura, sont en mauvais état. La plus menacée, le tronçon se trouvant entre Monsillon, Gikungu et le chef-lieu de la zone. Les chauffeurs des véhicules et autres usagers disent que la prolifération des nids de poules dans ces routes cause l'augmentation des accidents de roulage. Ils demandent la réhabilitation de ces routes pour que la circulation soit facile. Tout de suite, chronique sportive. Radio Isanganiro, chronique sport. Dans la chronique sportive d'aujourd'hui, l'on va vous parler de l'organisation de différentes compétitions au sein de l'association de handball à mairie de Bujumbura. Eric Ngurunziza, alias amateur directeur technique de la dite association, explique que les équipes classées premières dans ces compétitions représentent l'association de Bujumbura au championnat national. Toutefois, toutes les équipes doivent s'affronter dans tous les matchs comptant pour la phase aller-retour, précise ce sportif. Les détails dans cette chronique sportive de Marie-Claire Catenette. 4 clubs féminins et 10 clubs masculins participent chaque année dans les différentes compétitions de handball en mairie de Bujumbura, ainsi que 3 clubs en provenance des cadets. Propos de Eric Ngurunziza, alias amateur, il est directeur technique dans l'association de handball en mairie de Bujumbura. L'association de handball de Bujumbura est composée de 10 clubs masculins et 4 clubs féminins. Il s'agit aussi de 3 clubs cadets. L'association de handball de Bujumbura, comme le règlement indique, est organisée. Il y a la phase aller d'abord, la phase retour et la championnat national. Comme il y a 10 équipes masculines, chaque équipe doit faire des rencontres avec 9 équipes. Au niveau des filles, ce sont 3 matchs par club. Ce directeur technique de l'association de handball en mairie de Bujumbura nous parle ici du classement de ses équipes. Côté féminine, premier, c'est Sisters. Deuxième, Rumuri. Troisième, Galaxy. Quatrième, Ambassadeur. Au niveau des équipes masculines, premier, c'est Club Rukinzo. Deuxième, Club Brothers. Troisième, Muzinga. Quatrième, c'est le Club SOS. Cinquième, Inwari. Sixième, Galaxy. Septième, Eagles. Huitième, Friends. Neuvième, Ambassadeur. Et dixième, Golden. Selon toujours Eric Ngurunziza, une équipe classée première dans les différentes compétitions doit bénéficier de différents prix, y compris les trophées. Il y a d'abord, au niveau de la session de Bujumbura, il y a les prix. En plus de la phase aller et phase retour, il y a les tournois. Au niveau de la société handball de Bujumbura, nous avons organisé le tournoi de Virtir. Nous avons organisé aussi le tournoi de l'espérance dans la période où il y a crise de pandémie COVID-19 avant de commencer la phase aller du championnat. Avant la phase retour, nous avons organisé un tournoi de zéro. Chaque organisation doit être primée par un coupe et aussi des enveloppes par chaque club participant. Dans la prochaine chronique sportive, Eric Ngurunziza expliquera sur les critères de participer dans le championnat national ainsi que les défis auxquels font face l'association de handball en mairie de Bujumbura. Merci Marie-Claire Kazeneza. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, je vais juste vous rappeler que ce soir lundi qu'a débuté le relancement de la campagne de dépistage au Covid-19. C'est dans le programme du gouvernement d'Akira Sinandouza Sinandoura. Des cas positifs sont rapportés à Ngodi et à Karoussi. Vous l'avez entendu, et cela tandis que le ministre de la Santé publique est en plein tour sur les centres de dépistage en mairie de Bujumbura pour suivre le déroulement de cette activité. Au sommaire également, il s'agissait des habitants usagers de la route entre les quartiers 2 et 3 en zone urbaine de Nyakabiga, nouvellement réhabilité. Vous avez entendu plus de détails et dans la chronique sportive, l'on vous a parlé des compétitions dans handball à mairie de Bujumbura. Point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à nos amis Bonimana qui l'a mise en nom d'Eli Nibel Nivigila GT à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.